Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'OST, votre magazine qui vous parle de jeux vidéo, mais surtout de musique de jeux vidéo. Comme à chaque fois, Emeline est avec moi en studio. Bonjour Emeline. Salut Romain. Alors, aujourd'hui, pour cette troisième émission, nous allons vous faire descendre très bas, jusque dans les abysses de l'océan, là où réside la ville sous-marine de Rapture. A man has a choice. I chose the impossible. I built a city where the artist would not fear the censor, where the great would not be constrained by the small, where the scientist would not be bound by petty morality. I chose to build Rapture. City was betrayed by the weak. So I ask you, my friend, if your life were the prize, would you kill the innocent? Would you sacrifice your humanity? We all make choices, but in the end, our choices make us. Ce qu'on vient d'entendre, c'est donc le trailer du jeu BioShock, un jeu sorti en 2007. Il s'agit d'un first-person shooter, c'est-à-dire on est à la première personne, on voit juste que nos mains et nos armes. First-person shooter, donc FPS. BioShock donc, est un jeu édité par 2K Games et développé par le studio Irrational Games, qui avait déjà réalisé les deux jeux System Shock, qui sont un peu dans la même veine que les BioShock. Le chef de projet du jeu BioShock est Ken Levine, qui est le cofondateur du studio Irrational Games. Vous avez aussi des suites de BioShock. On a eu BioShock 2, qui est la suite directe en fait, de l'histoire de BioShock. Et on a eu aussi BioShock Infinite, qui est là complètement dans l'ambiance, dans l'univers de BioShock, mais qui n'est pas la suite de l'histoire. C'est un des premiers jeux de l'ère Xbox 360 PS3. Il a été très bien accueilli par les critiques et par le public parce qu'il avait vraiment un univers unique. Si, voilà. Pour BioShock, Romain, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du jeu ? Ben oui, tout à fait. Alors l'histoire, le pitch de BioShock, c'est on nous raconte l'histoire de Jack, un homme ordinaire qui se trouve dans un avion survolant l'Atlantique. Et notre homme a à peine le temps de se remémorer une phrase de son père que l'avion descend en piqué et se crash au milieu de l'océan. Après être curieusement sorti indemne de cet accident, Jack trouve un mystérieux phare et n'ayant aucune solution, il décide d'entrer pour un peu sauver sa peau. À l'intérieur, une sorte d'ascenseur se découvre, sauf que celui-ci ne fait pas monter en haut du phare. Il emmène notre héros dans les profondeurs sous-marines. C'est là que réside Rapture, cité établie au fond de l'océan et construite par un milliardaire mégalomaniaque, Andrew Ryan. Cette cité autrefois flamboyante n'est maintenant plus qu'un tas de ruines et vous allez vite vous apercevoir que les quelques personnes qui sont encore là ont complètement perdu la raison. La cause est simple, Rapture est une ville où les recherches artistiques, politiques et surtout scientifiques ne sont absolument pas encadrées ou freinées. Cette liberté absolue a permis de créer nombre de choses et notamment l'Adam, une substance que l'on peut s'injecter directement dans le corps et qui nous donne des pouvoirs psychiques extraordinaires. En contrepartie, cette substance provoque une forte dépendance et des transformations physiques et mentales. Jack vient donc de débarquer dans une ville délabrée qui ressemble un peu à l'enfer, où il va falloir combattre les habitants rendus fous pour espérer remonter à la surface. Et après cette histoire un petit peu particulièrement morbide, on va tout de suite passer à la présentation de la musique, la présentation générale. Thank you. maintenant, je pense que vous êtes bien installé avec nous dans cette ambiance pas très sereine du jeu BioShock. On va vous présenter un petit peu la musique. Donc, le compositeur est Gary Scheinman, qui est un compositeur de jeux vidéo. Il avait déjà composé la musique de Dante's Inferno. Il a aussi composé la musique pour le cinéma et la télévision. Mais c'est surtout, voilà, maintenant il est connu surtout parce qu'il a composé la musique de tous les BioShock. Il a travaillé en collaboration avec la sound designer Emily Ridgway, qui l'a beaucoup aidé dans ce projet. Ils avaient décidé tous les deux, enfin je crois que c'est surtout Gary Scheinman qui avait décidé qu'il n'y aurait que de la musique orchestrale. La sound designer était aussi d'accord pour pas d'électro. Ah voilà, c'est ça, d'accord. Donc ils sont mis tous les deux d'accord pour faire de la musique orchestrale sans électronique, donc ce qui donne vraiment une musique très vivante. Organique. Organique, tout à fait. On sait aussi qu'il a choisi les cordes frottées pour symboliser le monde aquatique. Pour lui, c'était ce qui était le plus représentatif de l'élément eau. Voilà, donc comme on est une ville sous-marine, il a utilisé beaucoup les instruments à cordes frottées. Voilà, donc maintenant on va passer, après cette présentation générale de la musique, on va maintenant passer au moment de l'analyse des morceaux, et on vous en passe un premier qui est Welcome to Rapture. Vous êtes toujours avec nous sur le 92.2, en plein milieu de l'analyse, on commence l'analyse de BioShock. Alors, pour nous cette musique, ça représentait l'histoire de la ville de Rapture. On a vraiment toutes les impressions avec cet orchestre, il nous donne toute l'impression de comment la ville a vécu. On a l'orchestre à cordes, donc, et le violon solo, on va le retrouver tout le temps, le violon solo, qui est comme un narrateur qui nous raconte ce qui s'est passé dans cette ville. Et c'est Romain qui va nous raconter tout ça. Voilà, on va vous repasser la musique, et par-dessus, je vais vous expliquer notre interprétation des divers événements de Rapture qui font que la cité est en ruine maintenant, etc. Donc on vous repasse Welcome to Rapture. Donc on commence avec l'orchestre et le violon, donc très speed et très, très énervé, on va dire. Et là, on a une impression de mystère, un peu de magie en fait qui se dégage. On se demande vraiment qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a une ville sous l'eau, au fond de l'océan. Donc il y a toute cette part de mystère qui est indiquée par l'orchestration à ce moment-là. Les percussions sont arrivées et on sent un moment d'énervement, ça monte beaucoup. Donc on suppose qu'il y a eu un conflit. Dans l'histoire de Rapture, ça peut être le premier conflit entre Frank Fontaine et Andrew Ryan, qui étaient les deux hommes forts de Rapture. Et là ensuite on a le violon solo qui peut nous indiquer donc la tragédie en fait qui se passe, le premier vraiment gros choc de la ville de Rapture. Et après la tristesse, On a vraiment juste ces petits sons, l'orchestration est beaucoup plus simple et beaucoup plus réduite. Donc comme si la cité s'enfonçait dans l'oubli en fait, et qu'on la laissait vraiment dans son coin, dans sa bulle, au fond de l'océan, et que plus personne ne s'en souciait. Pourtant le violon revient, donc on peut se dire aussi qu'il y a quand même quelque chose qui subsiste en tout cas. Et là on sent à nouveau une montée, donc peut-être que les événements tragiques et dramatiques n'ont pas fini à Rapture. Donc on a à nouveau un espèce de soulèvement donc, qui nous indique que visiblement c'est pas fini. Et le violon termine. Et il n'y a pas de conclusion, c'est juste une note suspendue, comme s'il y avait encore des choses à dire en tout cas, et le mystère qui n'était pas complètement éclairci à propos de Rapture et de son histoire et des événements que ça raconte. Et du coup, nous, ça nous plonge dans le mystère qui va peu à peu s'éclaircir pendant qu'on jouera. Là, on va vous passer une musique qui est complètement différente et qui nous plonge dans le côté angoissant du jeu. Ouais, c'est un moment de stress assez intense. Et pour ceux qui se demandent comment on fabrique une musique de film d'horreur, là, vous allez voir ça. C'est un cas d'école, on va dire. Et donc, c'est la musique du Dr. Steinman. Vous venez d'entendre la musique qui s'intitule Dr. Steinman. Romain, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce personnage ? Voilà, alors le Dr. Steinman, c'est celui que vous allez rencontrer dans le pavé médical de Rapture. C'est l'un des premiers niveaux, entre guillemets, de cette gigantesque ville. Le Dr. Steinman, c'était un chirurgien en fait très reconnu à la surface, donc dans notre monde, on va dire, et qui était également reconnu en tant que chirurgien esthétique. Et quand il a vu les possibilités offertes par Rapture, cette liberté absolue donnée aux scientifiques, il y est allé. Et parce qu'il a un début d'obsession, on va dire, pour la beauté parfaite. Vraiment, il adore ça, les beaux corps et d'avoir un visage parfait. Le problème, c'est qu'à Rapture, il y a l'Adam, on vous en a parlé. C'est une drogue extrêmement puissante, mais extrêmement nocive aussi. Donc, il va en prendre jusqu'à l'intoxication. Et son obsession pour la beauté parfaite va vraiment être ressortie puissance 1000. Et il va même avoir des hallucinations, il va avoir l'impression de voir la déesse grecque Aphrodite, la déesse de la beauté, un peu partout, donc il va la suivre dans ses délires, et du coup il va devenir un psychopathe notoire dans Rapture, et donc c'est la musique que vous venez d'entendre, c'est lorsque l'on l'affronte enfin, parce qu'évidemment hein, on ne peut pas rencontrer cet homme-là juste pour boire le thé, il va falloir qu'on se batte contre lui. Et surtout avec cette musique, on a vraiment cette inquiétude-là qui monte très rapidement. D'ailleurs, je vais vous parler des dissonances. Alors, les dissonances en musique, qu'est-ce que c'est ? C'est vous prenez un piano, vous appuyez sur les deux touches qui sont côte à côte, et vous avez vraiment un son qui se frotte. Il faut être habitué pour vraiment apprécier ça. En fait, c'est un petit peu, ça met un petit peu tout le monde mal à l'aise, cette dissonance. Et là, c'est énormément utilisé. En plus, c'est utilisé par les cordes frottées dans l'aigu. Et c'est un son qu'on a du mal à supporter pendant un court moment. Alors là, en plus, c'est vraiment très long, ce qui crée une tension énorme sur l'auditeur. On a l'impression que ça finit jamais, en fait. Exactement, c'est ça. Donc on est prisonnier. L'horreur reste comme ça, très intense. En plus, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait des sons très répétés, très graves, qui pouvaient presque faire penser au thème des Dents de la Mer. Donc on vous parlait d'un film d'horreur avec des répétitions terribles qui font bien peur. J'avais pas pensé aux Dents de la Mer. Ah bien si, j'y avais pensé et je trouve que c'est encore plus flagrant. Tu parlais de cas d'école et là aussi c'est vraiment, c'est clairement pour nous faire peur. On va justement se faire un peu moins peur, on va dire. Donc, on arrête les moments de stress intense et on va passer plutôt dans une musique d'ambiance. Alors, bon, c'est pas non plus chatoyant et sympathique, hein, mais voilà, c'est un peu plus détendu, on va dire, dans le sens où là, c'est les scènes plutôt d'exploration. Donc, on passe à la musique des docks. Cette musique des docks, on retrouve le passé joyeux avec l'accordéon, vous avez peut-être entendu, qui apparaît plusieurs fois, avec de la musique traditionnelle, festive, qu'on peut retrouver sur un port. Et puis on a donc, après le contraste, avec l'ambiance morbide du présent, et les bruitages un peu dans tous les sens, des instruments qui jouent chacun leur tour, des notes sans structure, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, ça peut faire penser un petit peu à la musique contemporaine, de style contemporain. Voilà, c'est de la musique savante où les compositeurs sont sortis de tous les cadres et ont commencé à essayer des choses très différentes de ce qu'on pourrait connaître nous maintenant. Et ça fait des sons un peu dispersés dans l'espace, dans le temps, qui ne nous mettent pas très à l'aise. Voilà, c'est une ambiance moins sereine. Ouais, ça, c'est quelque chose de malsain, et moi je trouve que c'est quelque chose aussi qui est fait par les bruitages et le sound design qu'on entend dans le morceau, parce qu'il n'y a pas que des instruments de musique, il y a aussi vraiment pas mal de bruits, des bruits de pas, des bruits d'atmosphère, et surtout moi le bruit marquant, je trouve, c'est les grincements en fait du bois, qui font vraiment penser à des bateaux qui seraient amarrés à un port et qui ballottent avec la houle et qui s'entrechoquent parfois, donc il y a vraiment ce truc de vieille cabine de bateau et qui vraiment fait cette atmosphère malsaine et qui fait qu'on n'est jamais en sécurité. Je vous ai dit que c'était un moment un peu plus détendu, dans le sens où là, c'est les moments où il n'y a pas de combat, en tout cas. On n'est pas d'ennemis affrontés, mais on sait que le danger est toujours présent et que vous ne serez jamais à l'aise, en fait, dans BioShock. On continue maintenant et on fait, comme on a fait l'émission dernière sur Rayman Origins, on vous a passé un extrait d'un moment dans le jeu où vraiment vous êtes en action. Et là, on va faire de même pour BioShock parce que c'est assez intéressant de vous faire entendre l'ambiance lorsque l'on joue réellement au jeu. On va vous passer deux extraits et voici le premier. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait in-game du jeu BioShock. Donc, on est vraiment dans le jeu. Vous avez entendu tous les sons qu'on peut entendre quand on est en train de jouer. Ce qu'on entend d'abord, vous ne l'avez peut-être pas entendu vraiment, c'était des cris des ennemis qu'on venait de tuer. On entend aussi des bruits de pas. On entend beaucoup la radio en fond, c'est-à-dire qu'on croise des radios sur notre passage qui passent de la musique. On avait aussi un enregistrement audio, c'est ce qu'on entend là à la fin, quelqu'un qui raconte quelque chose. Romain, tu peux nous en parler ? Ouais, c'est un des principes de BioShock qui est vraiment très intéressant, je trouve. C'est en fait le fait que la narration soit directe, dans le sens où vous ne vous arrêtez jamais de jouer. Il n'y a aucun moment dans BioShock, ou très très rarement, il y en a quelques-uns, mais ils sont très très rares, où vous allez poser votre manette et regarder en fait ce qui se passe. À chaque fois, vous êtes en jeu, et donc vous êtes en danger, comme on l'a dit. Et là, on vous raconte en fait l'histoire à travers des journaux audio que vous allez récupérer. Donc là, par exemple, c'est tout simplement l'anecdote d'une femme qui passe encore Nouvel An toute seule dans son appartement à Rapture. Et en fait, c'est comme ça que vous découvrez le quotidien et comment était Rapture, en fait, avant que ça s'écroule, quand c'était encore une cité flamboyante et vivante. Donc toute l'histoire, en fait, vous est racontée, que ce soit les petites anecdotes, mais aussi les personnages clés. Et il y a beaucoup d'éléments d'intrigue qui sont là-dedans. Et je trouve que c'est un système de narration très bien et qui était assez original à ce moment-là. C'est-à-dire que pas de cinématique, vous êtes toujours en jeu, mais vous devez prêter attention donc là au niveau du son pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe autour de vous et comment on en est arrivé à ce résultat là. On va, du coup, je vous ai dit qu'on passait deux extraits, donc là on va se lancer le deuxième et on va aller sur un autre élément encore de sound design. In life are the stars belong to everyone. They gleam there for you and me. Dans ce nouvel extrait du jeu BioShock, on a encore plein de sons. Voilà, différents avec oui, quand des on saute, voilà, etc. C'est ça, quand on saute, des sons aussi de machinerie, on sait pas trop ce qui est en train de se passer là. Surtout, on entend dans le fond, donc je vous ai parlé, il y avait la radio, et là, donc cette fois, c'est de la musique intradiégétique. Alors, la musique intradiégétique, on en a déjà parlé dans notre toute première émission, Surtout The Moon, exactement. Il s'agit d'une musique que le personnage dans le jeu entend. Donc là, par exemple, vous verrez un poste de radio pendant que vous vous déplacez, vous le voyez, le personnage l'entend, du coup, vous en profitez aussi. Là, il s'agit de la musique The Best Things in Life Are Free, des Inkspots, qui a été composée dans les années 40. Et d'ailleurs, toute la musique qu'on retrouve dans ce jeu, qui est donnée, qui est mise par la radio... C'est des parenthèses, en fait, des espèces de petites bulles, justement. Je vous ai dit qu'on était toujours en danger, mais c'est les rares moments où on a une ambiance chaleureuse, en fait. Et c'est que des tubes des années 40-30. Et c'est ça qui nous fait une espèce de parenthèse dans cet univers lugubre et malsain. Donc, c'est très important d'avoir ces moments-là. C'est pour ça qu'on vous a mis ça. Et donc, bien intradiégétique, dans le sens où voilà, vous avez un poste de radio et c'est lui qui émet le son dans le jeu. On passe à, du coup, on va dire la bande originale en elle-même. Donc, on reprend l'analyse de ces morceaux-là composés par Gary Scheinman. Et cette fois, on va rencontrer un personnage étrange, mais parfois attirant, on va dire. Et il s'agit de Sander Cohen. Thank you. Alors, vous êtes toujours dans l'émission OST et on vient de s'entendre une musique qui est de style très très romantique, c'est-à-dire c'est une musique qui peut être composée au 19e siècle, de style en tout cas de cette époque-là. Pourtant, voilà, ça n'a pas beaucoup de rapport avec les musiques qu'on a pu entendre précédemment. Donc vraiment, ça nous fait comme une parenthèse, c'est un peu mis sur un piédestal là. On parle du personnage Sander Cohen, qui est en fait un artiste fou, mégalo. Il l'était déjà à la surface quand il est descendu à Rapture, il l'a continué à l'être. En plus, il a commencé à prendre la drogue dont on parlait là-dedans. Et c'est pas allé en s'arrangeant. Donc on a dans cette musique vraiment des grandes envolées sauvages, et puis d'un seul coup on revient à quelque chose de très intimiste. C'est pas structuré. C'est structuré d'une façon assez classique, c'est-à-dire qu'on a un thème au début qui va revenir plusieurs fois, varié. Par contre, c'est toujours assez violent dans la différence des choses. C'est virtuose et en plus c'est assez violent. Ouais, ça représente bien la personnalité de Cohen, qui est quelqu'un de lunatique en fait. C'est-à-dire qu'il peut être tout à fait doux comme un agneau et en 10 secondes devenir un espèce de malade mental. Vraiment, il peut devenir fou et perdre la raison très très vite. Donc on retrouve ça dans la musique. C'est vraiment ces moments virtuoses avec plein d'allant, etc. Et d'un seul coup, un piano plus triste, plus doux. Donc ça, c'est Cohen Masterpiece, c'est le chef-d'œuvre de Cohen. Et Sander Cohen, c'est aussi un ami en fait d'Andrew Ryan, le fondateur de Rapture, et donc pour vraiment être à la gloire de la cité de Rapture et donc à la gloire aussi de son ami, il a composé un hymne qui s'appelle Rise Rapture Rise, et donc on va évidemment vous le passer tout de suite. Rise, Rapture, Rise, donc l'hymne à la cité de Rapture, écrit par Sander Cohen pour son ami Andrew Ryan. Donc c'est une musique un peu particulière quand même dans l'univers de Bioshock. Donc un chant, déjà pour une fois un chant, et un chant vraiment patriotique, vraiment en exergue, avec cette femme qui chante très haut pour dire à Rapture de se relever et de s'élever le plus haut possible. Donc voilà pour l'hymne de la ville. On vous passe cette fois-ci donc à nouveau une musique d'ambiance. On vous a déjà parlé des docks. Cette fois, on va maintenant vous parler d'un endroit important dans Rapture, parce qu'on est quand même dans une cité sous l'eau, donc à un moment, il faut quand même pouvoir respirer. Donc pour ça, il faut des plantes, un peu de vie. Et donc maintenant, on va s'occuper des jardins de Rapture. Thank you. Alors dans ce morceau qui nous parle des serres arboricoles de Rapture, on a pas mal de sons différents. On a encore un instrument solo, cette fois c'est le violoncelle solo, qui encore comme un narrateur, qui a toujours une place bien présente. Et là surtout, ce qu'il faut entendre, c'est les tenues de notes graves. Vous avez des instruments dans le grave qui tiennent des notes très longtemps, comme un tapis sonore, on appelle ça un tapis sonore. Vous avez aussi des instruments à cordes frottées, donc plutôt violon, qui font des petits glissés, qui prennent une note et qui glissent comme ça vers les aigus. C'est vraiment très aigu et très rapide. Vous avez avec ça surtout, ce qu'on peut noter, c'est des cordes frottées qui font des trémolos. Et ça nous donne, nous, un peu l'impression d'entendre des abeilles, des animaux qui grouillent, des insectes qui grouillent. Pas très identifiés, d'ailleurs identifiables. On ne sait pas trop de quoi il s'agit et ça nous met pas très à l'aise parce que toujours cette ambiance n'est pas sereine et on peut pas se dire ah bah ça va, c'est des petites fleurs, ça va, c'est des petits animaux mignons. Non, on sait pas du tout à quoi ça correspond. On se doute que ça doit être des abeilles ou des choses qui vivent, mais on ne sait pas où ni comment et ça reste toujours un petit peu dans cette inquiétude. On vous repasse le début de Steps into My Garden pour que vous entendiez bien ces bruits d'abeilles. Après cette ambiance un petit peu particulière, on va passer tout de suite à la dernière analyse de notre émission. Il s'agit donc de Dancers on a String. Dancers on a String, donc le dernier morceau qu'on analyse dans OST, tout simplement pour d'abord vous décrire la scène dans le jeu en fait, où cette musique apparaît, où on peut l'entendre, c'est quand on va en fait, dans l'antre de Sender Cohen, encore lui, et que là justement il est un peu doux comme un agneau, il vient vous accueillir, il coupe les communications avec les autres personnages que vous aviez, et en fait il y a une lumière violette qui apparaît d'un seul coup, et des danseurs qui arrivent suspendus par des fils. Donc c'est une scène assez poétique et voilà, ça montre le côté artistique en tout cas de Sender Cohen et c'est très intéressant. C'est vraiment une coupure parce qu'on peut pas avancer par reculer, on est coincé entre guillemets, mais il nous parle tout doucement, il nous dit de venir, que tout va bien se passer, donc là il n'est que miel, vraiment il est tout douceur. Et donc c'est là aussi que c'est là que la musique apparaît principalement, mais il y a aussi plusieurs fois où on peut l'entendre en fait vraiment par contre là en fond, où quand on a des conversations avec Andrew Ryan, quand il y a des scènes où on a des souvenirs, où on nous raconte des histoires, etc. Cette scène est vraiment là pour montrer le côté nostalgique, enfin et triste en tout cas parce que c'est quand même une musique assez larmoyante on va dire. Et d'ailleurs, cette musique nous représente très bien le jeu BioShock, avec cette mélancolie, cette tristesse qu'on a retrouvée sur pas mal des morceaux, avec surtout les instruments, la même instrumentation, comme si on avait voulu retrouver tout le monde au même endroit, au même moment, avec un trio violoncelle, violon et piano solo, donc tous les trois, et puis l'orchestre qui revient après, qui reprend la même musique qu'avaient joué les trois, le trio en question. Et puis, on a encore des bruitages, donc vraiment, on retrouve tous les ingrédients qui ont fait la musique de BioShock, toute cette BO magnifique et dans cette ambiance très triste et mélancolique. Ouais, c'est assez terrible de voir ça. Pour moi, je trouve que ça représente, c'est encore de l'interprétation, hein, mais pour moi, ça représente un peu le rêve brisé de Rapture, dans le sens où c'était un rêve d'Andrew Ryan qui était... C'est pour ça que je pense que la musique revient pas mal quand c'est lui. Enfin, vraiment, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'il avait un rêve fou, il a réussi, il a réalisé quand même, ça a tenu Rapture et ça s'est écroulé, ça a implosé en fait d'elle-même, cette cité. Et donc, il y a cette tristesse, cette nostalgie, vraiment, cette mélancolie qu'on sent très très bien dans cette musique et qui on le sent aussi dès qu'on a un peu de sentiment et que on essaye d'être un peu plus fleur bleue, on va dire, on se fait engloutir vraiment par l'aspect ténébreux de cette cité, puisque vous entendez à la fin, on a vraiment le violon et ça continue tout doucement et d'un seul coup les bruitages reviennent et engloutissent vraiment littéralement la musique. Donc on a vraiment ce sentiment très fort d'un rêve qui se fait engloutir finalement par les ténèbres, en tout cas, et par les profondeurs de l'océan, quoi. C'est toujours les bruitages qui finissent les musiques de cette BO, presque toujours. Mmh. Et vraiment, ça a un sens. C'est le réel vraiment qui prévaut, en tout cas, et qui a plus de force, finalement, que les sentiments. Oui, c'est ça. On en a fini donc pour l'analyse de nos morceaux et on va faire une petite conclusion pour vous parler en général de ce qu'on a pensé de BioShock et de son OST. Dans le jeu BioShock, ce qu'on a particulièrement aimé, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le fait qu'on est plongé dans l'histoire du début à la fin, en partie grâce au gameplay qui est un first-person shooter. On incarne le personnage principal quand on se retrouve face à des ennemis, quand on se retrouve face à des beaux paysages. C'est toujours comme si c'était nous-mêmes qui regardions la scène. Et voilà, on est obligé d'être vraiment touché par tout ce qui se passe. On a des beaux effets, on vous a parlé de la drogue, des substances étranges. En fait, on se retrouve des fois avec des pouvoirs. Et donc, on manie l'eau, le feu, la glace, l'électricité. Tous ces éléments, on les voit manier de façon assez spectaculaire. Et vraiment, c'est palpable, quoi. Et puis, on a aussi de belles couleurs, de très belles couleurs. On passe sur toutes les teintes de l'arc-en-ciel. Ça représente plein de mondes, plein de passages différents. Et c'est très beau. Et puis surtout, voilà, vous pouvez l'entendre en fond, on a encore cette musique qui colle parfaitement à l'ambiance de la ville. On vous l'a expliqué sous toutes ses formes et ses coutures, grâce aux instruments, au bruitage. Gary Scheinman et donc la sound designer Ridgeway ont vraiment bien créé ça, et on est complètement absorbé par cette ambiance. Ouais, c'est vraiment ça, moi aussi, que je retiens, c'est cette ambiance immersive que l'on a pendant tout le jeu. Donc là, ce que vous écoutez en fond, c'est le thème en fait de Rapture, qui n'est pas présent dans le jeu, hein, qui est là en tout cas à la toute fin pour les crédits, on va dire. Et donc ouais, vraiment cette ambiance extrêmement bien faite, qui fait qu'on est toujours dedans et qu'on n'a pas envie de décrocher non plus. Moi, je retiens aussi donc la narration dont je vous ai parlé avec les journaux audio, qui fait qu'on ne s'arrête jamais et qu'il y a très très peu de coupures. Les coupures sont faites en plus au bon moment. Les seuls moments où vous pouvez poser votre manette, c'est parce que c'est important. Donc c'est vraiment bien fait. Et j'aime beaucoup les personnages rencontrés aussi, avec tous les points de vue scientifiques, artistiques. Il y a une botaniste aussi. Enfin, il y a un homme politique, et on voit que chacun avait leur obsession et que Rapture finalement c'est un espèce de laboratoire à obsession pour aller jusqu'au bout. Et on voit que ça les a détruits en partie, voire même totalement pour certains. Et je trouve ça assez intéressant de voir les portraits psychologiques de ces personnages-là, qui sont très bien faits. Et qui sont très intéressants. En plus de ça, de toutes les anecdotes des habitants normaux, entre guillemets, qui ne sont pas des personnages clés, et d'avoir tous ces bouts de vie dans cette cité si étrange, je trouve que c'est vraiment très intéressant et très, très marquant. C'est vraiment ça, c'est un jeu qui est marquant et qui est vraiment particulier. C'est aussi pour ça qu'on a eu droit à tout un univers, finalement, avec des suites, etc., etc. On a terminé pour ce qui est en tout cas de BioShock et de son analyse. On va prendre notre petite rubrique désormais, qui est le niveau bonus. Donc le niveau bonus, on vous dit, on reprend en fait des morceaux qu'on n'a pas pu expliquer dans la BO et des morceaux qui nous touchent et qu'on aime bien. On vous en a parlé parce qu'on entend donc de la musique intradiégétique, on vous a dit qu'il y avait des tubes des années 40, 30, etc. Et donc c'est ça en fait qu'on a choisi, on a choisi deux morceaux en particulier parce qu'on les aime bien et que vraiment ces morceaux sont des bulles d'air dans cette atmosphère insoutenable qu'est Rapture. Donc on a choisi ça, voilà, de vous mettre ça. C'est moi qui commence d'ailleurs et c'est un classique, c'est un standard vraiment qui a été repris par tout le monde. C'est Night and Day. Donc il y a Bing Crosby, Ella Fitzgerald, même The Voice, Frank Sinatra, qui l'ont repris. Et là, c'est la version de Billie Holiday, donc que vous pouvez entendre dans l'univers de BioShock. Night and Day, donc la version de Billie Holiday, hein, donc un standard qui a été repris par tout le monde. Et donc là, c'est Billie Holiday avec sa voix si particulière qui nous chante ce titre que l'on peut retrouver donc dans BioShock. Voilà, et moi je vais vous parler d'une autre musique que j'ai beaucoup aimée dans la BO de BioShock. Il s'agit de It's Bad For Me de la chanteuse Rosemary Clooney. Voilà, et on s'écoute ça maintenant. Thank you. bad for me. This knowledge that you're going mad for me. I feel certain my friends would be glad for me, but it's bad for me. It's so good for you, so new for you, to see someone in such a stew for you. And when I say I'd do all I could for you, it's so good for you. It's bad for me. I fell till you whispered to me, completely left on the shelf. But since you started to move me, I'm just crazy about myself. It's a boon for you, a break for you, to hear that my heart's on the make for you. Yet no matter however appealing, I still have a feeling it's bad for me. I fell till you whispered to me, completely left on the shelf. But since you started to woo me, I'm just crazy about myself. It's a boon for you, a break for you, to hear that my heart's on the make for you. Yet no matter however appealing, I still have the feeling it's bad for me. On vient d'entendre la musique It's Bad For Me de la chanteuse et actrice américaine Rosemary Clooney, qui chantait donc là en duo, a priori avec John Goodman. Voilà. Et ben voilà, vous entendez cette petite musique en fond, ça signifie qu'on est à la fin de notre émission d'OST numéro 3. Merci beaucoup Emeline. Merci à toi Romain, et bravo. Voilà, un peu d'auto-flatterie parce que c'est la première auto-réalisée avec l'aide d'Andrea, hein, évidemment, qui nous donne un coup de main parce que bon, on est des débutants. Donc merci beaucoup Emeline, on espère que l'émission vous a plu, que vous avez passé un bon temps à l'écouter autant que nous à la réaliser. C'est vraiment bien amusé à faire dans l'univers de BioShock. On vous fait des bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Facebook, Twitter, likez, partagez, tout ça. Faites-nous un peu de pub. O.S.T. Exactement. Nous, donc on vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche sur le 92.2. On vous souhaite aussi du coup de bonnes fêtes parce que nous, on se retrouve donc en janvier 2016. Voilà, au revoir à tous. Au revoir.